je vais vous chanter autre chose que mes peines. Je vais vous faire partager un peu de mon soleil. Vous pouvez en profiter et peut-être faire pareil. Car tout va pour le mieux pour moi. Et tout ça, c'est au ciel que je le dois, que je le dois. Ce soir on est invité chez les cousins de ma belle. On traverserait un dîner, raconte nos semaines. La guitare, un djembé, un petit air qui rappelle. Que tout va pour le mieux pour moi. Et tout ça, c'est à eux que je le dois, que je le dois, que je le dois. Le week-end, par une petite matinée avec les collègues, ensemble on va répéter la musique et nos rêves. On étale la journée, le train-train, les petits soucis, nos joies, nos projets. Enfin se retrouver aussi avec ma bien-aimée. Et tout va pour le mieux pour moi. Et tout ça, c'est à elle que je le dois. Je le dois.